n'aimez pas ce poussoir rose? Non, ce n'est pas ce que je choisirais. Fanny, l'heureux mortel qui près de toi respire. Oh. Ah, vous voilà bien content. Avec votre livre en main, vous êtes bien sûr de votre mémoire. Oh, mon Dieu, je n'avais que faire du livre, cela me serait revenu tout de suite. Fanny, l'heureux mortel qui près de toi respire. Fanny, l'heureux mortel qui près de toi respire. C'est à te voir parler et rougir et sourire de quels hôtes divins le ciel est habité. Vous y mettez une expression. Il n'est pas difficile, madame, d'exprimer ce qu'on sent du fond du cœur. Et ces vers ne semblent-ils pas faits tout exprès pour qu'on vous les dise? Fanny, l'heureux mortel. Oh, vous vous divertissez, je crois. Ah non, je vous le jure sur mon âme, et par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, je trouve ces vers-là charmants. Eh bien, venez les chanter, je vous accompagnerai. Vous verrez que je me passerai du livre. C'est à te voir. Mais à quoi pensez-vous donc, madame? À ce poussoir rose. Vous ne l'aimez pas? Non. J'aime mieux cette taffe à feuilles mortes. C'est une étoffe trop âgée. Elle me paraît toute neuve. Mais laissez donc, il y a de ces choses qui sont toujours de l'an passé. Ah, que c'est bien femme ce que vous dites là. Comment bien femme, que voulez-vous dire? Eh mon Dieu, oui, toujours du nouveau. Voilà ce qu'il vous faut à vous autres. À vous autres, vous êtes polis. Or, le moment présent, vous ne connaissez rien. Vous ne vous souciez plus des choses de la veille et celles du lendemain. Vous n'y songez pas. Je vous réponds bien que si j'étais mariée, ma femme n'aurait pas tant de fantaisie. Vous lui feriez porter une robe feuille morte. Feuille morte, soit, si c'était mon goût. Elle s'en moquerait et ne la porterait pas. Elle la porterait toute sa vie, madame, si elle m'aimait véritablement. Eh bien, à ce compte-là, vous resterez garçon. Parlez-vous sérieusement, madame? Oui. Je vous conseille de renoncer à trouver une victime de bonne volonté. Oh, ciel. Mais c'est ma mort que vous m'annoncez là. Comment votre mort? Assurément, je ne suis pas comme vous, moi, madame. Il ne faut pas me dire deux fois les choses. Oh, je craignais cette cruelle parole, mais en la prévoyant, je ne l'attendais pas. Elle me désespère, elle m'accable. Au nom du ciel, ne la répétez pas. Mais bon Dieu, quelle mouche vous pique! Croyez-vous donc que je puisse rester au monde loin de vous, loin de tout ce qui m'est cher? Mais la vie me serait insupportable. Riez-en, madame, tant qu'il vous plaira. Je sais bien que vous me direz qu'un voyage à la hâte est toujours fâcheux. Que si j'ai mes projets, vous avez les vôtres, que sais-je? Vous trouverez sans raison, sans obstacle. Mais en est-il un seul? En voit-on quand on aime? Est-ce votre procès qui vous retient? Mais je vous ai dit qu'il était gagné. Je suis allé 20 fois chez votre avoué. Il demeure un peu loin. Mais qu'importe, ce n'est pas ce qui vous occupe. Non, madame, non, vous ne m'aimez pas. Je vous demande bien pardon, mais quel galimatien me faites-vous là? Je ne dis que l'exacte vérité. Mais puisque vous ne voulez pas l'entendre, je me retire. Adieu, madame. Savez-vous une chose, marquis? C'est que les distractions ne plaisent qu'à la condition d'être plaisantes. Quand vous prenez le chapeau du voisin, ou quand vous appelez le curé mademoiselle, personne ne songe à s'en fâcher. Mais il ne faut pas que cela vous encourage jusqu'à perdre tout à fait le sens, et à parler pour une robe feuille morte comme un homme qui va se noyer. Car vous comprenez bien que dans ce cas-là, notre part à nous qui vous voyons faire, ce n'est plus de la gaieté, c'est de la patience. Et il n'est jamais bon d'avoir affaire à elle, c'est l'ennemi mortel des femmes. Cela veut dire que je vous importune. Raison de plus pour m'éloigner de vous. En vérité, vous perdez l'esprit. De mieux en mieux, que je suis malheureux. Vous ne soupez pas avec moi? Non, je m'en vais. Adieu, madame. Oh, ma foi, faites ce que vous voudrez. Vous êtes intolérable et incompréhensible. Tenez, laissez-moi à ma musique. Qu'est-ce que c'est que cela? Elle que j'aimais si tendrement. Faut-il que j'aie pu lui déplaire? Qu'ai-je fait qu'il est offensé? Quoi? Je viens ici, le cœur tout plein d'elle, mettre à ses pieds ma vie entière. Je lui fais en toute confiance l'aveu sincère de mon amour. Je lui demande sa main le plus clairement et le plus honnêtement du monde, et elle me repousse avec cette dureté. C'est une chose inconcevable, plus j'y réfléchis, moi je le comprends. Il faut sans doute que j'ai commis à mon insu quelque faute impardonnable. Tenez, Valberg, lisez donc cela. Impardonnable? Ce n'est pas possible. Quand je la reverrai, elle me pardonnera. Allons, Germain, je vais sortir! Oui, sans doute. Il faut que je la revoie, elle est si bonne, si indulgente, et si gracieuse, et si belle. Ah, pas une femme ne lui est comparable. Je laisse passer cette distraction-là. Il est bien vrai qu'elle est coquette en diable. Oui, paresseuse. À faire pitié. Son étourderie continuelle... Portez gaffe. Monsieur Valbert? Son étourderie continuelle pourrait-elle véritablement convenir à un homme raisonnable comme moi? Aurait-elle ce calme, cette présence d'esprit, cette égalité de caractère nécessaire dans un ménage? J'aurais fort à faire avec cette femme-là. Ceci mérite d'être écouté. Mais elle est si bonne musicienne. Fanny, le rue mortelle qui près de toi respire. Germain! Ah, que nous serions heureux dans quelques retraites paisibles, seuls, avec quelques amis, avec tout ce qu'elle aime, car je serais sûr de l'aimer aussi. À la bonne heure. Mais non, elle aime le monde, les fêtes. Germain! Eh bien, je ne serais pas jaloux. Qui pourrait l'être d'une pareille femme? Germain, je la laisserai faire. J'aimerais pour elle ces plaisirs qui m'ennuient. Je mettrais mon orgueil à l'avoir admirée. Je me fierais à elle comme à moi-même. Et si jamais elle me trahissait, Germain, je lui plongerai un poignard dans le cœur. Oh, que non, monsieur de Valberg. Oh, c'est vous. C'est vous, comtesse. Oh, mais grand Dieu, je ne croyais pas. Mais avant de me tuer, lisez donc cela. Mais qu'est-ce que c'est donc? Monsieur le marquis est prié de bien vouloir se souvenir d'épouser madame la comtesse avant de partir pour l'Allemagne. Eh bien, madame, vous voyez bien que c'était moi et non pas vous qui avez parlé de ce voyage-là. Mais c'est donc réel, ce départ? Demandez, voilà 2 heures que je me tue à vous le répéter. Vous aurez pris ma femme de chambre pour moi, car ces 3 lignes sont de son écriture. Vraiment? Elle n'écrit pas trop mal. Non, mais elle écrit des impertinences. Pas du tout, c'était ma pensée. Et qu'allez-vous faire en Allemagne? Des compliments de la part du roi à la grande duchesse. Et quand partez-vous? Demain matin. Vous vouliez donc m'épouser en poste? Justement, je voulais vous emmener. Ce serait le plus délicieux voyage. Un enlèvement? Oui, dans les formes. Elle serait jolie. Et certainement, nous publierons nos bancs. À chaque relais, n'est-il pas vrai? Et les témoins? Nous avons mon oncle. Et nos parents? Ils ne demandent pas mieux. Et le monde? Que pourrait-on dire? Nous sommes d'honnêtes gens, je suppose. Parce que nous montons dans une chaise de poste, on ne va pas nous prendre tout à coup pour des banqueroutiers. Votre projet est si absurde, si extravagant, qu'il m'amuse. Oh, suivons-le, il sera tout simple. J'en suis presque tentée. J'en suis enchantée. Hola, Germain! Vous avez appelé, monsieur? Je crois que le danger est passé. Va vite chercher cette grande malle qui est là-bas, au milieu de la chambre, et apporte-la tout de suite. Ici, monsieur? Mais oui, dépêche-toi! Mon Dieu, quelle folie! Vous faites prendre votre malle? Ah oui, il faut faire nos paquets sur le champ, parce que voyez-vous, quand on a une bonne idée, il faut s'y tenir, je ne connais que cela. Un instant, marquis. Avant de s'embarquer bride abattue pour les grandes Indes, il faut prendre son passeport. Êtes-vous bien sûr que je sois douée de toutes les qualités requises pour faire convenablement votre ménage dans quelqu'un de ces grands châteaux que vous possédez en Espagne? En Espagne? Je ne vous comprends pas. Ai-je bien ce calme, cette présence d'esprit, cette égalité de caractère si nécessaire dans une maison, surtout quand le maître en donne l'exemple? Vous vous moquez, ils ont besoin que je vous répète ce que c'est tout le monde, qu'on voit en vous toutes les qualités, comme tous les talents et toutes les grâces. Mais vous oubliez que je suis coquette, paresseuse à faire pitié, étourdie, surtout étourdie. Qui a jamais dit cela, madame? Un de mes amis. Un impertinent? Pas toujours. Oh. C'est un original qui fait des portraits devant son miroir et qui les peint à son image. Devinez-le, c'est un diplomate qui est assez bon musicien, un poète, connaisseur en étoffe, un chasseur très dangereux pour la haie du voisin, très redoutable au whist pour son partenaire, un homme d'esprit qui dit des bêtises, un fort galant homme qui en fait quelquefois. Enfin, c'est un amant plein de délicatesse qui, pour gagner le cœur d'une femme, lui adresse des compliments par usage et des injures par distraction. Si j'ai commis celle-là, madame, ce sera la dernière de ma vie. Et vous verrez si dans ce voyage... Mais ce voyage, est-ce que j'y consens? Vous avez dit oui. Ah, j'ai dit presque oui. Entre ces 2 mots-là, il y a tout un monde. Consentez donc, madame. Et ce portrait que vous venez de faire, ce portrait ne sera plus le mien. Oui, s'il est ressemblant aujourd'hui, c'est grâce à vous, je le proteste. C'est le doute, la crainte, l'espérance, l'inquiétude où j'étais sans cesse qui m'empêchait de voir et d'entendre, de comprendre ce qui n'était pas vous. Ne me faites pas l'injure de croire que j'aurais perdu la raison si je vous avais moins aimé. Je l'avais laissée dans vos yeux. Il ne vous faut qu'un mot pour me la rendre. Ce que vous dites là me donne une idée plaisante. C'est qu'il pourrait bien se faire que sans nous en douter, nous nous fussions volé notre raison l'un à l'autre. Vous êtes distrait, dites-vous, pour l'amour de moi. Peut-être suis-je étourdi, Par amitié pour vous? Oh, dites donc, Marquis, si nous essayons de réparer mutuellement le dommage que nous nous sommes fait, puisque j'ai pris votre bon sens et vous le mien, si nous nous conduisions tous deux d'après nos conseils réciproques, ce serait peut-être un moyen excellent de parvenir à une grande sagesse. Je ne demande pas mieux que de vous obéir. Il ne s'agit pas de cela, mais d'un simple échange. Par exemple, je suis paresseuse, vous me l'avez dit. Mais madame... Oh, vous me l'avez dit. Et j'en conviens. Ah. Vous, au contraire, vous remuez toujours. Vous revenez de la chasse quand je me lève, vous avez sans cesse les doigts tachés d'encre, et c'est pour moi un chagrin d'écrire. Pour la lecture, c'est tout de même. Vous dévorez jusqu'à des tragédies avec un appétit féroce. Pendant que je dors, alors doux murmure. Dans le monde, vous ne savez que faire, à moins que ce ne soit comme Monsieur de Brancas, d'accrocher votre perruque à un lustre. Vous ne dites mot, vous parlez tout seul, sans vous soucier de ce qui vous entoure. Moi, je l'avoue, j'aime la causerie. J'irai volontiers jusqu'au bavardage, si tant de gens ne s'en mêlaient pas. Et pendant que vous êtes dans un coin, boudant d'un air sauvage, le bruit m'amuse, m'entraîne, emballe, m'éblouit. Est-ce qu'avec toutes ces disparates, on ne pourrait pas faire un tableau? Trouvons un cadre où nous pourrions mettre, vous, votre feuille morte, moi, ma couleur de rose, nos qualités par-dessus nos défauts, où nous serions à tour de rôle tantôt le chien, tantôt l'aveugle. Ne serait-ce pas un bel exemple à donner au monde qu'un homme ayant assez d'amour pour renoncer à dire « je veux » et une femme, sacrifiant plus encore le plaisir de dire « si je voulais ». Vous me transportez. Oh, madame, si vous me jugiez digne de vous confier ma vie entière, je mourrais de joie à vos pieds. Non pas, où seraient mes profits? Voici votre mal, monsieur le marquis. Et mon oncle? Il n'est pas venu de chez monsieur Duplessis. Eh bien, madame? Eh bien, essayons. Vite, Germain, François, Victoire, racontez tout ce qu'il y a ici. Cela, votre manière de me remercier. Eh, madame, j'aurais bien le temps. Comment bien le temps, c'est honnête? Certainement, puisqu'à compter de ce jour, je ne veux plus faire autre chose pendant tout le reste de ma vie. Madame a besoin de moi? C'est dans vous, mademoiselle Victoire, qui vous êtes permis tantôt. Ne l'agrandez pas. Si j'avais maintenant le diamant de Buckingham, au lieu de le jeter par la fenêtre, je le mettrais dans sa poche. Est-ce là cet homme si raisonnable? Oh, madame, grâce pour aujourd'hui. Plaçons d'abord ici toute votre musique. Voilà un bon commencement. On l'aime beaucoup en Allemagne, nous trouverons des connaisseurs là-bas. Oh, je me fais une fête de vous voir chanter devant une famille. L'heureux mortel qui voit de toi respire. Ils vous adoreront, ces braves gens. Germain! Monsieur! Va me chercher mon violon! Bien, monsieur! Oh, n'oubliez pas cette romance, au moins! Elle me rappellera le plus beau jour de ma vie. Et ma robe feuillement, Victoire! Oui, madame! Vous voulez la prendre? Puisque c'est une de vos conditions. Oh, grand Dieu, elle est cause que j'ai pu vous déplaire! Apportez-en d'autres, mademoiselle! Savez-vous ce qu'il faut faire? Emportons très peu de choses, rien que le plus important. Nous ferons toutes sortes d'emplettes dans le pays. C'est cela même. Germain! Monsieur! Rien que le plus important. Mon fusil et mon corps de chasse! Bien, monsieur! Nous achèterons le reste à Gotha. Comment à Gotha? Eh oui, c'est là que nous allons. Ah. Oh, tenez, prenez ce petit coffre! Y a-t-il dedans des papiers de famille? Oh non, c'est du thé, mais on en trouve partout. Je ne peux pas en prendre d'autres. Que dure jure, nous allons passer. Nous achetons là-bas des costumes allemands, ce sera ravissant pour un bal masqué. Madame, si nous prenions mon cadran solaire, il va très bien. Êtes-vous fou, Valberg, et vos belles promesses? Vous avez raison, ma montre suffit. Songez qu'il faut veiller sur vous maintenant que vous voilà diplomate. Ah, ne craignez rien, j'ai fait mes preuves. J'ai déjà été en Danemark et je m'en suis très bien tiré. Mon oncle, qui se croit un génie, voulait me faire la leçon, mais il n'a pas la tête parfaitement saine. Entre nous, il radote un peu.